pour la vie, souvent... Pantomalade! Musicien électrisant! C'était du groupe anciennement Stopping Right C'est de ça. Alors, admettons que nous avons terminé en beauté, là, et que je savais la chute, que je connaissais la chute. Est-ce qu'on peut préparer comme une deuxième prise, là? Non, hein, ça chutera pas comme ça. Ben, non, c'est comme ça. Ouais, c'est tout à... Ouais. Oh, ben... Mais là, les gens vont attendre. Non, on va refaire un peu comme au cinéma. Quand la prise n'est pas bonne et pas précise, on recrée. Hein? On va les 30 dernières secondes. Non, peut-être pas, parce qu'on va me couper sur YouTube. Ils vont dire que la musique n'est pas bonne. On va placer ça. Donc, 10 secondes. 10 secondes. Rita, êtes-vous capable? Êtes-vous cohérent? OK, 10 secondes. Là, il en reste 4. 3, 2. Ben, on va laisser 5. On sait jamais si YouTube coupe rapidement sur les. OK? 3, 2, OK. Ah oui, attends. Oui, OK, c'était bon. On y va. Ouais. Là, le public écoute, hein. Bonjour, comment ça va, vous autres? Hey, on vous aime. Bon, OK, on doit recommencer. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On oublie. Pendant ce temps-là, on cherche, vous le saviez, hein, c'est pour gagner du temps. Pour gagner du temps, je chante. OK, la prise! Gaëtan, la prise! Mon caméraman, sonore. Alors là, on fait les dernières secondes, OK? Pour la vie souvent intransigeante, nous te plions. Nous te plions en deux, là, puis on va le rappeler vers la fin, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça, là, OK? Pour les grands, il faut arrêter de têter, les gens n'aiment pas ça quand ça... OK, ça c'est des hésitations, là. Au Québec, il faut arrêter d'hésiter. On est peureux. c'est certain que moi, je laisserais aussi rapidement, là, se remémorer ce qui un jour nous est arrivé. Parce que quand ça nous arrive, c'est au présent, mais quand ça nous est arrivé, c'est au passé. Donc, il faut tenter de s'en souvenir. Puis je crois que, facilement, c'est pas uniquement au Québec qu'on oublie certaines choses. C'est planétaire. Combien de premiers ministres ont été réélus après des conneries lors de leur première... Lorsqu'ils plaignaient. Ils plaignaient. Il plaignait le sang. Il était couché par terre. Ah, il disait, il y a de don, ça fait mal. Ben oui, c'est juste du sang, toi, là. T'as même pas été tiré. Va t'expliquer ce qui s'est passé, moi. Parce que j'étais là. Tu as voulu traverser la rue. La lumière était orange. Mais comme t'es un insignifiant de premier ordre, on t'aime pour ça. T'as décidé de traverser quand même. Mais tu avais... 3,5 livres de steak haché. Bien, menu, là, dans le fond de la couche. Non, pas de la couche, mais dans un sac. Parce que toi, t'es un genre de biodégradé au niveau cervical, là. Tu veux, La planète a besoin de il faut pas abuser. Moi, de l'eau, là, j'en fais pas couler, moi, là. Hey, il pleut, je m'en vais dehors, en plein milieu de la rue. Hey, oui, là, j'ouvre la bouche, puis Je m'abreuve, moi. Je dépense pas, moi. Y en a trop qui le font à ma place. Quand j'offre des cadeaux, moi, c'est pas emballé. Il me pas emballé, puis c'est essayé. Ah, mon Dieu, ça font... Après 2 minutes, tu vas t'arrêter. Là. C'est une platitude incroyable. Ben, c'est un radis, la vie d'un radis. Tu sais qu'est-ce que dit un radis? Non, mais il a été radis du bourreau. Fait... Et puis, ouais, c'est ça, l'accident. Oui, on va revenir à ça. Il faudrait que je place de la colle là-dessus. Mais on a 25 minutes à faire. Pas une bonne idée, là. J'ai peur de tout, de tout, de tout. Donc, c'est ça, il traverse la rue. Il se fait pas frapper, là. Il se fait... Comment dire? Se lever. Il se fait caresser le devant de son sac dans lequel il y avait le steak à très, très saignant. Donc, il est tombé par terre. Ah, une voiture! Mais écoutez, il s'est pas fait toucher, c'est le sac qui a touché, là. Là, il est tombé par terre, le sang du sac dans lequel on trouvait de la viande s'est réparti sur l'individu. L'individu croyait qu'il était atteint, a crié, ambulance, ambulance, ils ne viendront pas, parce que c'est lui qui a écrit dans le journal de notre quotidien national qu'aucune ambulance pouvait se déplacer en moins de 3 secondes. Bon. Mais ici, au Québec, on s'est acheté des ambulances ovnis, c'est-à-dire des ovnis ambulances. Si t'arrive quelque chose, là, ça va même pas sur la route. Ça part dans le ciel, mon gars, ça t'arrive en 34 millièmes de seconde. Puis même, je voulais pas trop se vanter, là. Mais ces machines-là se rendent sur place avant l'accident. C'est fou! Avant! Pas après 20 minutes, il est mort, hein? On repartait, là, à appeler le corbillard. Allô? Corbillard? Ouais, c'est l'animateur des races rénaldiennes. Ouais, ben il a fait l'été, là. C'est l'avant-dernière émission. Si on... Oui, nous le plions. Nous te plions. Oui. Mais on va le plier parce que je vais vous dire ce qui s'est passé, monsieur. Ouais, deuxième fois que je vous raconte ce qui s'est passé. C'est parce que il s'est fait frapper par l'ambulancier qui est arrivé en ovni. Mais ces conducteurs-là, ils étaient pas habitués, ils n'ont pas eu de cours d'ovni Muller, en tout cas. Et vous connaissez pas ça, vous, hein? Ben non, c'est normal. Vous êtes pas dans le ouais. Vous êtes pas trempé dans le sang du sac de s'être caché de tantôt, là. Tu comprends rien, hein? Ah, c'est... Il faut suivre, là. Déjà, là, l'émission avant, là, ton oreille a soif, là. Ouf! C'est quelque chose. Moi, là, je suis là devant ma radio, là. Je la regarde pendant 1 heure et demie. Là, je sais que c'est l'émission ton oreille a soif, là. Je la regarde. Pas l'émission, la radio. Là, les 30 dernières minutes, mais je vais l'ouvrir, hein? Faut bien rentrer dans l'émission. Ouais, hey, là, c'est pas juste ça, c'est comment t'appelles ça, là? Quand les musiciens jouent a cappella, adieu l'amour. Les yeux bledins, donc les vieux bledins se sont pliés chez le blulancier. Ah, là, c'est ça, l'ambulancier arrive! Bing, bang, rentre dedans, tant pis pour les prudents. Bing, bang, bien visé, c'est le temps de le réanimer. Puis lui, il veut pas se faire réanimer. Non. Même, il m'a déjà confié que s'il se faisait frapper par un flocon de neige, faut pas aller plus loin. Mais il tient quand même à ce qu'on le filme pendant qu'il agonise d'un flocon de neige sur la tête. Ah! Aïe! Aïe! Pendant ce temps-là, il m'a fortement suggéré de placer une chanson de mes amis les super classelles et les classelles. Le sentier de neige. Ben là, il voulait voir tranquillement au ralenti. Tu sais, c'est un gars de Spielberg, là. Un peu gaga. Là. J'aime ça le cinéma, ouais. Les films de Spielberg. C'est beau, c'est Spielberg, hein, je comprends tout. Ma petite fille a 3 ans et demi, puis elle aime ça des films de Spielberg. Elle comprend tout, puis même moi, si j'ai des choses que je peux pas saisir, là, ben, elle me le raconte dans ses mots, elle fait des dessins. Et puis là, moi, quand je regarde ça, je dis, c'est un beau film, hein? Ça nous a coûté 55 piastres. Toi, moi, 2 maïs soufflés, 2 gros stickers, 2 gros chocolats, puis un beau taxi aller-retour. Oh, quelle belle soirée! Mais là, demain, on veut pas sortir, j'ai fait une maudite scène. Les Chinois, ça n'existe plus. Ah, mais non, ils les ont enlevés parce qu'ils savaient que c'était moi qui les animais au cinéma, les amenais au cinéma. Là, il y a l'ouvreuse, là, celle, ben, elle sauve à tout le monde, elle dit bonjour, elle ring, je regarde, moi, je suis un divorcé, moi, je peux pas regarder ça, ces choses-là, oui. Ah, non, mais en plus, moi, je suis avec ma petite fille. Elle est petite, hein? Puis c'est une fille, c'est une petite fille. Puis, elle a le droit de regarder ça, des films de Spielberg, elle. Ça lui fait peur, des fois, parce qu'il y a Reynald DiCaprio, elle le trouve tellement beau, elle est amoureuse. C'est beau, hein? Oui, c'est beau. L'amour. Là, ça se contrôle pas, ces choses-là, l'amour, hein? Moi, j'aimerais bien ça, là, arriver, là, puis dire devant vous, « Hey, je vous aime pas, mais je vous voyais quelque chose. Vous êtes une ouvreuse, puis je vous aime bien quand vous êtes ouverte. » Mais oui, les huîtres, j'ai jamais aimé ça, les huîtres. Les huîtres. Moi, j'ai pas de problème d'induction, c'est parce que quand j'étais petit, là, on m'a fait, en tout cas, ma petite fille dit ça souvent, en tout cas. Je lui dis, ça vient de moi, hein. Je dis souvent, en tout cas. Elle aussi, elle dit, en tout cas. C'est drôle, hein. Puis moi, je me dis que ma petite fille va être plus intelligente que moi. Ah oui, elle voulait aimer ça, les films de Spielberg. Elle aime déjà ça. Bon, OK. Alors, commence-tu l'autre affaire, là, OK? Nous te plions. Pour les grands et les grandes prétentieuses et prétentieuses qui déambulent le nez en l'air, prêtes à frapper leur iceberg, nous te plions. Pour les faux et les fausses intellectuels qui étendent leur savoir sans trop le savoir, sans trop le savoir, nous te plions. Beaucoup de Stéphanie étendent comme ça leur savoir. On les appelle aussi une sorte de Stéphanie, hein, du troisième rang, les antivierges troisième rang. Ça, c'est le signe astrologique, là. Ben, sinon, toutes les autres Stéphanie, on les adore. Elles sont rentrées dans un sillon évolutif, contrairement aux autres, là. Il y en a deux dans la francophonie qui font partie de l'autre des camps. Donc, auditeurs, auditrices, parce que les auditeurs qui s'appellent Stéphane et qui veulent se faire opérer pour devenir Stéphane, ni, ben, vous faites pas partie de ça. Et les Stéphanie non plus. Les deux Stéphanie qui font allusion au texte. Comment ça s'appelle ces chiens-là? Les tickles? Ben, à tous les tickles à lunettes, nous te plions. Pour les feux verts qui virent à l'orange lorsque je les regarde, nous te plions. Devant les consommateurs plus cons que les sommateurs, nous te plions. Pour l'humour absent dans les festivals qui proclament enfer, mais se noient sous l'argent, mais rarement sous les blagues, nous te plions. Ah non, mais c'est juste pour rire, là. Non, c'est presque un grand rire. Nous te plions. Mais OK, c'est un petit rire. Un petit rire en coin. Oh, les petits rires en coin. Non. Les petits rires en coin. Go, les deux dans la neige. non, tous les deux dans la neige. Et ça est cher, oh, que c'est cher, les shows du mot. Tout le monde ensemble. Est-ce que c'est cher? Parce que pour le nombre de blagues, on devrait faire payer les citoyens, les spectateurs, au rire qu'ils auront. Là, tu vas voir Monsieur Sauvé. Puis toi, c'est ton style, là, c'est du gros rire gras. Là. C'est l'histoire du ventre qui s'est fait exploser par une quenouille. Sais-tu qu'est-ce que ça fait? Ça fait été en table. Pour l'humour, non, on l'a dit ça. Nous te prions. Pour que ce parigue, pour que ce perpure. Elle se perpure le soir, le matin et au coucher. Nous lui avons conseillé une prière après chaque acte. C'est qui? C'est lui! Pour que se perpétue. Pour que se perpétue l'intuable vivacité des créateurs indépendants, nous te plions. Nous te plions. Pendant tout ce temps silencieux que je cherchais à comprendre mon écriture, nous le plions. Nous te plions. Oui, nous te plions en deux, en trois et en quatre. Par quatre en frappant du talon, en frappant du talon, la destinée, la rose au bois. En frappant du talon, en frappant du talon, quand le garçon est fille, il faut couler le jambon. Il faut couler le jambon, la destinée, la rose au bois. Il faut couler le jambon, il faut couler le jambon. Ah ouais, gros jambon. Bon, gros jambon. Cher ami de la haute bourgeoisie, bonsoir. Mireille des Brumes nous chante ce soir sa toute nouvelle décomposition qui s'intitule « Articule alimentaire sous humus alphabétique ». Œuvre a cappella, ne l'appelez pas, je ne répondrai pas. À vous, Mireille, faites-nous saigner les oreilles. Ça, c'est Mireille. Mi. On monte. Mi. Non. Comme ça. Descartes m'a appris. Tyrénée, on l'appelait Tyrénée. J'ai mon Tyrénée, raconte-nous ta vérité. Puis, il aime ça quand. Ben, il aimait, excuse-moi. Il aimait ça lorsqu'on l'appelait Tyrénée. Parce que ça lui ramenait à la matière grise. Le Tyrénée, là. Le Tyrénée est parti tant bon. Alors, Tyrénée Descartes, le soir, devant un bon feu à l'extérieur, où les bûches brûlaient, où les comment t'appelles ça pour allumer là, les allumeuses, les brindilles, les brindilles scintillaient. Le bruit là, hein? Ça c'est Pépé avec son crachoir là. Il se préparait là. Et monsieur, ah oui, non. Ça risque d'être un numéro 3, ça, là. C'est comme les tupois, là. Il se prépare, là. Oh, c'est presque le lancer. Pas de bruit, s'il vous plaît. Pas de bruit, c'est dégueulasse. On n'est pas dans un spectacle de pétalard, de pétamiclap, pétapalard. On n'osera pas. Mais c'est ça. René, rentre ton radis. Non, mais René Descartes se trouvait fort intéressant lorsqu'il s'entendait parler de sa vision du monde et aussi de sa théorie politique, philosophique, existentielle. Alors, il m'a dit de vous raconter ce qu'il m'a transmis à travers sa lumière, parce qu'avant-hier, j'ai allumé 3 chalumeaux. J'ai allumé 3 chalumeaux, l'un est monté, l'autre était en 3 chalumeaux, était brillant. 3 chalumeaux. 2 petits encens. Puis là, les petits encens, moi, je mets ça sur un ancien tourne-disque, là. Donc, ça tourne. C'est dansant, hein? Petit encens, tout ça. C'est comme ça. Oh! La boucane, la fumée monte vers le haut en spirale. Là, ça fait penser à « Tan-lan-lan-lan-lan » à Hawaii 5-0, hein? Tu vois ça, toi? « Hey, mon petit champion, qu'est-ce qui se passe ce matin? » C'est le soir. « Qu'est-ce qui se passe à soir? » Il fait noir, hein? « Regarde-moi la fenêtre, là! » Ils l'ont pas Rénal, reviens à nous. Oui. Alors, René Descartes, c'est un conteur. Pas un C-O-M-P-T-E-U-R. Un conteur, C-O-N-T-E-U-R. Il y a 3 mois, j'ai entré sur Facebook sans aucune gêne, compteur, en parlant de mon ami israélien Anahim Aranahim. J'ai dit un compteur C-O-M-P-T-E-R, P-T-E-U-R. Et moi, là, 15 minutes après, j'ai relu. Hé, hey, j'ai écrit ça! J'ai pété les plombs. Je me suis fracassé la tête sur mon écran. Et comme mon écran est virtuel, je suis entré dans l'image. Et l'image montrait mon ami Hanarin en Afghanistan. J'ai atterri en Afghanistan, seul. Seul avec mon pudding chômeur. Mon pudding chômeur était très, très, très chaud. Il sortait du four à micro-ondes. Avec du sirop d'érable, j'avais mis à l'intérieur. Là, j'arrive devant 3-4 grenades. Des percocolada, là, des grenades avec des pailles, puis des cerisiers, puis j'ai dit, comment ça, vous plantez des cerisiers dans un cocktail? Bien, ils m'ont dit, ça, c'est pour attirer le touriste. Une fois que le touriste est là, là, on le maîtrise. Puis quand on le maîtrise, là, bien, il reste là, puis quand il reste là, bien, il aime ça. Facile, la vie, hein? On devrait faire ça dans notre quotidien. Développons la facilité. Et attends, oui, la facilité, quand je me réveille le matin, là, oh, là, là, là, là, là. Je m'ouvre un œil, je me dis, ah non, c'est déjà l'heure. J'essaye de débarquer du lit, débarquer, pas me lever, débarquer. Il m'attire, ça, parce que c'est un aimant, j'ai la menthe dans le lit, puis un aimant qui me tient. Puis là, je dis, c'est sans doute son amant. Qui dit, ah ouais, va-t'en pas, moi, te la soupe, moi, va-t'en pas, je te la, ah, va-t'en pas, puis. J'ai dit, ouais, moi, je dois aller travailler, je dois aller gagner ma vie, je dois aller faire des voyages à Paris, ça, je dois aller rencontrer des artistes, des vedettes, des comédiennes, des chanteuses, des plasticiennes, des Paris pâtés, hein? Au four à 350, hein, le pâté cuit sur le dessus. La croûte doit être chevelue. Non, pas chevelu, pas de poêle, mais tisson. Tisson comme la babiche. Déshumanisez votre conquête, ma belle amie. Débâclez. Débâclez, moi, c'est tout couché au lever. Débâclez, oh, c'est ça ma réminiscence. Non, c'est pas ça. déshumaniser votre conquête, ma belle amie. Délogez-lui le cœur. Remplacez-le par l'animalité non domestiquée et vous récolterez un batteur sans âme, un collectionneur de femmes. La mollesse passe dans les carrefours nocturnes où la nuit tombe autant que la pluie. Les étrangères aux brassières feutrées rouge sang s'infiltrent dans les ruelles, plus belles qu'en mai, marchant contre de la fausse jouissance. Ah non, attendez, Madame Gaétane, je sais que vous avez passé devant les mots pendant que je faisais la lecture. Ça m'a comme ébloui. Vous êtes tellement lumineuse. Bravo pour votre nouveau shampoing. Ça vous rend les cheveux plus brillants. Bon, c'est une publicité, là. Hey, il faut publiciser notre émission parce que là, on s'en va sur la banqueroute. Ça nous a coûté cher cette année, là, en 2014. Et les cocktails ont sorti, la bouffe aussi, les filles ont aimé ça, les gars peut-être un peu moins. La mollesse passe dans les carrefours nocturnes. Je recommence. La mollesse passe dans les carrefours nocturnes où la nuit tombe autant que la pluie. Les étrangères aux brassières feutrées rouge sang s'infiltrent dans les ruelles, plus belles qu'en mai, marchandant de fausses jouissances contre de la vraie argent. Monsieur le Président, j'ai un mal de Borges, de Burgess. Gaétan Borges, Régent Borges, Orange Mécanique, c'est quoi ce Borges? Hein? Monsieur le Président, messieurs les patrouilles catholiques commencent à tomber, là. Et monsieur, il n'y aura plus de son. Les patrouilles catholiques et madame les voluptés, et vous, chers résidents et résidentes, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Rénaldienne. Aujourd'hui, le vendredi 22 août 2014, les errances rénaldiennes présentent plus de routes pour nous et entre nous. Il n'y a plus d'écho, plus de budget, plus rien. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narrative, unissons-nous autour de l'artiste plasticienne Ace Nielsen. Plasticienne contemporaine née à Paris, Ace Nielsen nourrit sa curiosité intellectuelle et sa nature polyvalente d'expériences de vie riches et diverses convergeant vers un absolu, la recherche de l'esthétisme et de la beauté. Son univers se nourrit du travail de maîtres parmi lesquels Ernesto Netto et Gustav Klim, mais aussi Vera Luther et Willy Ronis. L'art chinois ancien est une force source d'inspiration sur un plan technique et esthétique. L'artiste vit aujourd'hui à l'ouest de la région parisienne et se consacre entièrement à sa création. En juillet 2013, Errance Rénaldienne se trouvait là, à Paris, pour rencontrer cet artiste extraordinaire. Un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter ici et laisser la musique nous enchanter? Oui, oui, oui. J'étais fatigué d'être celle que tu ne voyais pas, que tu ne voyais pas. J'ai porté de la dentelle sous ma veste à pois. Si tu avais vu laquelle, tu comprendrais pourquoi, tu comprendrais pourquoi. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. bordel et me prépare en tout cas. Où tu partirais d'avec elle pour venir avec moi, pour venir avec moi. Je me suis mise toute belle et j'ai sauté tout bas. Qu'à la porte l'on m'appelle et que tu sois sur le pas, que tu sois sur le pas. Et que je nous les mets pleines d'un bouquet de lilas. Tu me dis que tu m'aimes ou quelque chose comme ça, quelque chose comme ça. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. Dans mon corps de jeune fille, dans mon corps de jeune fille, il y a des changements. À Québec? Je suis en contact avec quelqu'un qui voudrait me diffuser sur le Canada. Et moi, en fait, j'ai une carrière internationale, c'est-à-dire que j'ai des origines internationales déjà. Donc je pense que j'ai une vision du monde un petit peu différente de la vision franco-française. Mmh. Voilà. Et c'est toujours un pays sur lequel j'ai voulu émigrer, assez bizarrement. Mais le Québec ou le Canada? Mais en fait, a priori, il y a toujours une notion de facilité pour les Français d'aller sur le Québec. Oui, c'est pour logique. La francophonie. Bien sûr. Ah oui. Et puis aussi peut-être une façon de vivre, oui. Je pense. Très européen. Je pense, ouais. Exactement. En même temps, américain. Oui, exactement, donc, les deux. Ouais. Les deux, c'est un mélange agréable des deux. C'est vrai. Donc c'est vrai que par rapport à ça, moi j'avais trouvé que c'était une bonne idée. On avait fait même un dossier de... De presse de, non, un dossier de d'émigration. Ah, oh, oh oui, à ce, oui point. À ce point. Et à ce moment-là, en fait, j'étais enceinte et okay. Je me suis dit, bon, c'est pas le moment. Et voilà, et puis, il faut attendre. Et puis après, c'est jamais reparti de la même façon. Ah, ok, mais je croyais que tu préparais une exposition là-bas. Alors, je vais avoir. Les choses sont en train de se mettre en place en ce moment. C'est quelqu'un qui a une galerie à Los Angeles et une galerie sur Québec. Mais Montréal ou Québec? Montréal. Ok. Mais c'est vrai que pour l'instant, comme c'est pas signé, je peux pas en parler. Ok. Voilà. Mais à l'origine, toi, t'es parisienne. Pardon? À l'origine, tu es parisienne? Tu es née alors, à Paris? Moi, je suis née à quelques centaines de mètres de là. Donc, c'est incroyable que tu m'aies donné rendez-vous ici, alors que j'habite plus du tout là. Ok. J'habite à 50 km de Paris avec des chevaux dans la campagne. Ah, c'est bien. Ouais. C'est bien. Et puis, tu habitais ici, là, dans le coin des Abbesses. Ouais, tout à fait. Tu vois, tu prends la petite rue là-bas. Oui. Et c'est à, allez, 300 mètres. C'est incroyable, c'est juste incroyable. Et ben voilà. Et voilà. Ça... On revient toujours aux sources, non? Toujours, oui, sans le savoir. Exactement. Alors, tu es née ici à Paris, mais Esnesson, est-ce que c'est ton véritable nom? Ou si non. C'est un nom d'emprunt? Non. Ok. En fait, c'est une histoire un peu originale, c'est-à-dire que j'ai deux prénoms, mm-hmm. Comme dans... souvent, de naissance. Ok. Voilà. Y a un premier prénom, c'est Anne-Carole. Et un autre prénom qui vient de l'Est de l'Europe, parce que j'ai des origines de l'Est de l'Europe. Et quand j'étais en faculté de médecine, mes copains trouvaient que Anne-Carole, ça faisait un peu long. Et ils ont contracté ça en A-C-E et Ace. Et Ace au tennis, c'est un coup ouais. gagnant. Ouais. Donc ils se sont dit que ça m'allait bien. Mais est-ce que c'est Ace ou Ace ou Non, c'est Ace. Ace, ok. Ace. Et puis, comme au tennis. Ok. Et puis en fait, c'est vrai que ce qui était... Après, quand j'ai... Tu sais, c'était le moment des radios libres en France. Bon, alors... Je te parle de ça il y a longtemps. Oui, mais sais-tu que c'est KRL, la première radio communautaire francophone au monde, donc la première radio libre. Et les Français, les Belges, d'accord. les Suisses venaient à Québec. D'accord. Pour savoir comment on procédait. Comment gérer. Pour monter une radio. Tout à fait. Donc, ils ont pris notre... savoir-faire. Non, mais nos machines. Oui, ah oui, carrément. Oh, oui, oui, nos machines. Aussi. Oui, d'accord, oui, oui, d'accord, oui, oui, nos platines analogiques à l'époque, 33 tours. D'accord. Cassette. Oui, cassette. Moi j'ai appris avec cassette. OK, 8 et 4 tracks. Oui. Donc, ça vient de chez nous et de Québec, de ma radio. C'est incroyable. Oui. C'est juste incroyable. Oui, oui. Et en fait, j'ai commencé avec Énergie, Chic FM et Radio Fun. OK. Et j'avais un créneau de nuit parce qu'eux disaient que j'avais une voix qui était assez, ce qu'on appelle une voix FIP. C'est-à-dire, voilà, tout à fait, et qui passait bien la nuit. Donc, j'avais le créneau 22h, 2h du matin. Et ce qui était vraiment sympa parce que ce qu'il faut que tu imagines, c'est qu'aujourd'hui, ce genre de choses, ce serait totalement impossible en France. Hein. Sauf dans les radios libres. Oui, mais quand même. Alors que là, j'étais, si tu veux, étudiante, c'était pour gagner de l'argent. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent dans les radios libres. Non, mais c'est KRL, on gagne trois fois rien. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait une belle dynamique et c'était une expérience. C'est une école. C'était une fantastique expérience. Et j'adorais faire les interviews. Ça m'a vraiment, comment te dire, ça m'a vraiment fait découvrir un milieu qui m'intéressait, où c'est de l'humain. Tu rencontres les gens. L'humanisme. Exactement. Tu échanges. Tu mets les gens en valeur par rapport à ce qu'ils aiment, par rapport à quelle est leur personnalité, quelle est leur ouverture au monde. Donc ça a été vraiment quelque chose, une très très belle expérience qui a duré pendant 2 ans et demi. Et ta formation universitaire est en médecine? Oui, tout à fait. Médecine et une école de commerce, plus, les deux. Mais il faut préciser qu'en médecine, tu t'étais spécialisée dans l'esthétisme. Alors, par la suite, oui. C'est-à-dire qu'au début, ce n'était pas le cas. Et puis, mon mari était chercheur à l'époque. Et il alors tu le connais depuis longtemps? Oui, il est décédé l'année dernière, mais on a été ensemble et heureux pendant 30 ans. Ouais, c'est une très belle histoire. C'est l'anniversaire aujourd'hui de mes 30 ans de mariage. Beaucoup de dates anniversaires. C'est comme s'il y avait une conjonction énergétique entre le lieu où tu m'as donné rendez-vous, la date, c'est la radio. Tu vois, regarde, ça fait des nœuds incroyables. Ouais, félicitations. Voilà. Donc à l'époque, il était chercheur. C'était un grand chercheur. C'était vraiment quelqu'un de très brillant, très intelligent et fantastique. Il avait quelques années de plus que moi qui lui donnait la possibilité d'être vraiment déjà un pied bien installé dans le monde professionnel. Et donc moi, en tant qu'étudiante, j'avais la chance d'être au contact de grands professeurs de médecine. Et comme sa spécialité, c'était, il travaillait pour une boîte américaine où il était directeur de recherche à l'époque, concernant tout ce qui était les prothèses mammaires, tous ces trucs-là. En fait, voilà, ça m'a permis de découvrir ce monde assez particulier. Et mon idée, c'était ensuite de pouvoir apporter toute la technologie des pays de l'Ouest aux pays de l'Est dès que j'ai été diplômée. Et c'était en 1990. Donc c'était vraiment un nouveau phare Est pour moi. C'était vraiment une dimension assez géniale. J'avais des origines de là-bas. Le meilleur ami de mon mari, qui était médecin lui aussi, comme moi, était très proche de moi. On s'était toujours dit que dès que les conditions politiques nous le permettraient, ça nous permettrait sans doute d'avoir une possibilité de faire un business ensemble. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai été la première européenne de l'Ouest à m'installer sur les pays de l'Est. Et ma zone de chalandise, c'était de la Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, jusqu'à la Roumanie. Et en fait, j'étais basée sur Budapest. Ça a été des années extrêmement excitantes parce que il y avait une véritable soif de savoir des pays d'Europe de l'Est. Et c'était un marché qui était, qui était vierge. Il y avait tout à faire. Et quand on a des envies d'excellence et quand on a vraiment envie d'apporter de la technologie, du savoir-faire à des prix qui sont cohérents, voilà, oui, parce que c'est vrai que le niveau de vie là-bas est quand même très faible, encore aujourd'hui. Hein. Ils sont très très touchés par la crise économique. Donc c'était une belle mission et j'ai trouvé ça très très excitant. En parallèle, je continuais à peindre, voilà. Parce que comme je suis née dans le quartier, la peinture fait vraiment partie de ma vie. Tout à fait, oui. Tout à fait. J'avais un père qui peignait, j'avais un père qui avait fait des études d'architecte et qui m'avait apporté, une formation de base. Et en fait, à l'approche de la quarantaine, j'ai vraiment ressenti un besoin d'aller plus profondément dans ma formation. Et j'ai fait les Beaux-Arts à Budapest. Voilà, c'était vraiment une façon pour moi de... De repartir. Voilà, et puis d'aller jusqu'au bout du truc, de véritablement se dire, bon, jusque-là, tu as fait de la peinture pour ton plaisir. Il m'est arrivé de vendre à quelques amis ou donner beaucoup à quelques amis, mais il n'y avait pas de dimension commerciale parce que j'avais un travail en parallèle. Moi, plus important au niveau monétaire que... Oui, oui, bien sûr, ça aussi. Maintenant, c'est vrai que dans mon travail sur l'esthétique, il y avait une forme de cohérence. Quand quelqu'un a eu un accident du travail, par exemple, et s'est fait arracher l'oreille, c'est vrai que mon travail à moi, c'était en collaboration avec le chirurgien, avoir la possibilité de faire un moule de l'oreille qui restait, faire l'équivalent du cartilage de l'oreille, et ensuite pour faire pousser la peau dessus de façon à ce que véritablement à la fin, au bout de quelques mois, il n'y ait aucune différence esthétique entre une oreille et l'autre. Et ça, c'est un travail de sculpture. C'est un travail de sculpture associé, je dirais presque, à une dimension humaine de se dire que bon, la personne, quand on l'a vue la première fois, elle avait fait pousser ses cheveux pour cacher cette oreille qui était arrachée. Et tout d'un coup, on la sent revivre. Voilà. Elle se fait recouper les cheveux, elle a le regard qui change, elle a le contact. Voilà, exactement. Une confiance qui est de nouveau, qui repart de nouveau. Donc, il y avait une dimension très valorisante par rapport à ça au niveau humain. Donc, ça, c'était quelque chose de sympa. Quelque chose de sympa. Mais les Beaux-Arts, ça a été véritablement une opportunité pour moi parce que ça me permettait, du coup, de véritablement mettre un pied dans cet univers... Du marché de l'art contemporain, j'allais presque dire dans cette jungle de l'art contemporain. Exactement. Je suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs et j'en profite pour faire mon beurre. Je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Qui revendique, qui proteste. Moi je ne fais qu'un seul geste. Je retourne ma veste. Je retourne ma veste. Toujours du bon côté. Je crie vive la révolution. Je crie vive les institutions. Je crie vive les manifestations. Je crie vive la collaboration. Celui de retourner ma veste, de retourner ma veste, toujours du bon côté. Je l'ai tellement retourné qu'elle craque de tous côtés. À la prochaine révolution, je retourne mon pantalon. Merci à Spécial Cruz, 19% de moyenne pour son bac. Bravo. On lui a demandé où se trouvaient les cornichons et elle a répondu « Les cornichons ne se trouvent pas toujours dans les pots. Hein. Moi, j'en connais qui font de la radio. La radio Coco, comme on le voudrait pas. » La radio coco incoco-cohérente, ça fait un con de plus dans la marmite. Donc, si vous faites frire à 350 au four, je conseille immédiatement après de le placer dans un bocal, puisqu'il devient un animal tout à fait précaire. On le nommera pas Reynald Gagné. Comme le mentionnait Jim Morrison. De N, comme le... Non, c'est pas... Is it the hen away, away, the hen? Hen in the no, away, away, the ho. How will it be, away, away, the pay? 52 lettres alphabétiques. En anglais, c'est combien de lettres alphabétiques? L'alphabétisation aux États-Unis? Madame Washwall. Madame Rothwell, hey, là, si j'électrocutise mon micro, Madame Rothwell, vous devrez le payer. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas ce que je voulais dire, monsieur. Je sais pas. J'étais incohérent. J'étais un incapable. Je suis plus capable. Non. Ça c'est demain devant mon psy. Prends ça en note, ok? Gaétan, je vais dire ça de même. Je suis un incapable. Je suis pas capable. Je suis en train de craquer. Non, c'est toi qui craques. Ah, oh, tu craques pour moi, ma cocotte. Bon, comme le mentionnait Jim Morrison, là, le micro va me tomber dessus à un moment donné. Là, c'est un fantasme. Allumé. Pas vous, mais le micro. Je sais que j'ai un public allumé, me l'ont dit. Hey, Jean, je reçois des courriels. Merci, hein. RaynaldQuebec@commercial.hotmail.com. RaynaldQuebec@commercial.hotmail.com. J'adore ça, vous lire. Même si vous me détestez, c'est bien aussi. Vous êtes formidable. La tronçonneuse batteuse, hein, ceux qui maïssent, c'est maïs, comme le maïs. À maïsnine. Comme le mentionnait Jim Morrison, Errance Rénaldienne, c'est l'émission la plus étrange à laquelle j'ai assisté de toute ma vie. Il y a peut-être raison. Il se pose des choses à soir, on va peut-être la savoir, et s'il peut arrêter de parler, on va peut-être comprendre. Ah oui, c'est un bit de way, ah c'est un démêlé, ah oui, c'est un démêlé. Hey, on s'est donné dessus, c'est querelle, on dirait que ça capte pas grand-chose. Je capte pas grand-chose, je ne suis pas Vinci ni de vessie. J'ai le papier qui s'en parle, oui, je sais. Pee Wee Herman s'est fait arrêter. Son émission n'a pas pu être popularisée autant qu'il voulait. Ça a coupé dans le gras parce qu'il s'est... En fait, il a fait une blague. Une blague de potache. Mais là, le potache, ça tabarnouche. À un moment donné, il s'est fait arrêter dans un cinéma porno. Mais à l'origine, là, quand il s'est fait filmer pour son émission pour enfants, Pee Wee Herman, il sortait simplement des toilettes avec du papier cul accroché derrière son pantalon. La station de télévision a convoqué Pee Wee Herman. Ils lui ont dit, Pee Wee, viens ici, Pee Wee. Oh, puis Pee Wee. Là, ils ont donné biscuits. Pee Wee, puis là, lui, les biscuits, il connaît ça, là. C'est un Pee Wee. Écoute, Pee Wee, là, on t'a vu sortir de l'émission avec du papier hygiénique. On te met dehors. Parce qu'il fallait que tu sponsors. Il fallait que tu commandites ce papier cul. Là, c'est sorti de même, là, hein, ce papier blanc. Puis on savait pas si ça venait de la photocopieuse. Si ça venait de la copieuse d'en arrière, là. Rita Bibelot, qui cite des affaires puis qui veut se faire placer ça dans son curriculum vitae. Là. Parce qu'elle aime bien ça, le curriculum vitae. Plus il y a des choses dans son curriculum vitae, plus elle n'est plus débitée par la vie. Elle se dit, ah, mais je suis quelque chose, hein, c'est moi qui a dit, ah, be or not to be, ah, être, ou le mal-être, là est la question. Et puis la mienne, ma préférée, ça vient de Rénal Gagné, là. Un esprit sain dans un corset. In vitam paparman, ça vient de moi, ça. J'ai des blagues comme ça, là, qui circulent dans le monde francophone. Puis là, lui, le monde, oh, ça rit, puis ça s'imagine que ça vient de Roland McNan. Non, non, ça vient de Rénal Gagné. Cette semaine, et ça, jusqu'à l'épuisement du concept, nous mangerons. Je suis fâché, très fâché, là. Nous mâcherons, squeezerons, éplucherons, déshabillerons, élèverons à bras de mots celui-ci pour en observer la moindre couture, fissure, embouchure, angle, afin de l'inclure ou de l'exclure dans le château symbolique de la francophonie. Aujourd'hui, plaçons en garde à vue le mot ou le verbe « galère ». Non, non, mais regarde-le! Regarde-le! Il part dans une galère, hein? Ben oui! Hey, il a l'air bizarre dans sa galère, lui! Ben oui! Là, je t'appelle comme ça parce que il est quelle heure, là? 2h30? Du matin? Du matin très tôt? Ah ouais, hein? Je te réveille pas, surtout, non? Ah ouais, je te réveille, ah ouais. Mais hey! Il est marié, tu savais ça? Ben, il est marié avec Emmanuel. Ça va bien, toi? Ah ouais? Ouais, les enfants vont bien, toi? Ah ouais? Hey, l'autre s'est fait avorter, ta petite fille, là? Ah ouais? Ben oui, elle avait quoi, 14 ans, hein? Ah ouais? Hey, félicitations! Je pense que ça a fait dans le paroi paroissial, le pamphlet paroissial, là. Elle a passé parmi une des plus jeunes, hein? Ah ouais? Hey! Tu dois être contente, toi? Ah ouais? Ben, félicitations. Mais, non, mais 14 ans, c'est l'âge pour comprendre, hein? Ah ouais? Ben, moi, j'ai rien compris à ce que je viens de dire, là, mais... Ah ouais? Mais je suis parti dans une galère, moi, là. Écoute, faut que je te... Est-ce que je peux te déranger, moi? Ah ouais? Ouais, hein? Ben, tu te souviens, le moteur, la moteuse, la fille à la moteuse? Ah ouais? Ben oui, c'est celle qui conduisait la moto, là. Ah ouais? Mais là, pas la moto électrisante, là, à essence, là. Ah ouais? Ben oui. Elle a débarqué, elle m'a dit, oh, je suis en panne. Il est 5h30 du matin. J'étais en train de boire ma réglisse, moi, là. Une réglisse que j'avais achetée chez Ticu Baudouin, puis il m'a dit, hey, cette réglisse-là, là, c'est 88% de sensations fortes. Fait que là, j'étais en train de la lécher, de la manger. J'étais à quatre pattes, là. En tout cas, je me sentais comme une sécheuse batteuse. Puis en même temps, non, mais je trouvais ça intéressant parce que je voyais au loin arriver les essoreurs, les brosseurs de poubelles, les raquemodeurs de chéché. Non, c'est qui? Les gens qui ramassent les ordures. Mais il a ramassé mon mari. Ben voyons, donc j'ai chez lui l'ordure. Puis là, Puis là, il criait. Je dis, non, il est mort de rire. Il est mort de rire. C'est un humoriste, lui. Il fait partie des affaires, là, juste pour moins rire. Puis l'univers bleu. Puis il fait payer le monde. Puis il est même pas drôle. Ben, comme même. Claude Bernier, l'humoriste Claude Bernier, il disait, autant d'humoristes et si peu d'humour. Page 33 de son livre, ne le lisez pas, ne l'achetez pas, ça ne vaut pas grand-chose. Ah ouais? Oui. Là, je fais de la publicité, là. Ah ouais? Puis là, il va m'actionner parce que je donne de l'argent, là. Ah ouais? Puis il n'en veut pas de l'argent, il en a fait. Il dit, hey, moi, là, garde, j'ai assez fait ma petite vie comme ça, là. Ah ouais? Mes vidanges sont passées, ah ouais? Là. Maman est tranquille, ah là. Ouais? Puis papa va faire une émission de variété, ah là. Ouais? Ben oui, c'est merveilleux. On l'embrasse, on l'aime bien. Même avec une moustache Porix Mylène. Ah ouais? Ouais, c'est quoi, c'est de la Porix Mylène? Ah ouais? Mylène, c'est un peu. Mylène? C'est quoi sa moustache? C'est de la numéro 17. Non, ça, c'est un peu. C'est comme du papier chamblé. Moi, il me semblait que c'était pas si rude que ça, là. Tu l'as frenché, toi, hein? Il a quand même 95 ans, Claude il a 90. Il marche en cellulaire, lui. Ah, oh, mon Dieu, Seigneur. Il a mal à jonquer, hein? Ah, il est plus capable de faire de bandant. Ah ben, mais la chanson des vieux amants, là, c'est lui qui l'a... Ben, voyons, c'est mieux de Jacques Babel puis Juliette Bédeau. Ah, mais Juliette Bédeau, à la fin, là, mais non, pas avant sa mort, parce qu'elle est encore bibante, hein? Elle est très bibante. Quand elle sonne, c'est « Allô, c'est Juliette Bibeau! » c'est-tu beau le bibeau? Hé, hey, Juliette, c'est-tu beau le bibeau? Hé, hey, Juliette, c'est-tu beau le bibeau? À la belle bibeau, oh, Juliette Bibeau! Ah ouais? Ah ouais. Paquet de monde qui me tape sa batterie, se pète les bretelles en comptant leur vie. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'amis. Pose pas de questions, je compterai pas de menterie, comme on dit. En bas de mon char, je vais t'emmener direct tout ce qu'il faut. Come on, baby, away! Voir que t'es en vie, c'est pas de ma faute si j'ai pas d'amis. Tu peux sortir, mais à mon avis, t'es mieux dans mon char. Je vais te mettre la radio, come baby away. Le petit en avant, le passé en arrière. Si tu veux le présent, regarde-toi dans le miroir. Regarde le ciel, si tu peux, fais les voir. Les nuages, les oiseaux, l'univers. Duster sa gravelle, check en arrière la poussière d'étoiles. C'est pas de ma faute si j'ai pas d'amis. C'est moi le messie, puis j'suis toujours en vie. C'est mon char. Assise à ma droite, come on baby away. Y'a rien que j'fais pour le paradis. Thank you. des arrivines. Dans les cellules, voir des voix que des arrivines. Dans le chat, ma cousquette, ma chignette, ma darling. Dans ce skate, ma cousquette, ma chignette, ma darling. Ouais, mais mes chansons, Michel, mes yellow d'arrogère. Ouais, mes chansons, Michel, mes yellow d'arrogère. À la fin, ma miguelée, l'issé yoliente. À la fin, ma miguelée, l'issé yoliente. Et c'est vrai que c'était assez, assez sympa parce que ça a démarré tout de suite, très très fort. Mais ça n'a pas démarré par la France, ça a démarré par l'international. C'est pour ça que je suis toujours extrêmement motivée de cultiver cette ère de l'international. L'ouverture. Oui. Et puis c'est l'occasion de faire des rencontres tellement fantastiques. Oui. Des gens qu'on n'aurait jamais croisés. Voilà. En ce moment, je suis en expo au Japon. J'ai pas pu me déplacer parce que c'était la fin d'année pour mes enfants, le baccalauréat, tout ça. Mais c'est vrai que l'année prochaine, je sais que j'y serai. Au même titre que l'année dernière, j'ai fait le MoMAT, qui est la super référence à Tokyo en termes de musée d'art contemporain. Donc voilà, il y a des jolies pierres de construction. Et j'ai bien l'intention de continuer comme ça, aller vadrouiller à droite, à gauche et prendre le plaisir de rencontrer... Le côté globe-trotteur. Voilà. Et c'est assez audacieux de la médecine à devenir artiste quand même? Pas autant que ça. Okay. C'est-à-dire que ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, il y a même un salon des peintres médecins en France. Oh. Il vient juste de se terminer. C'était finalement assez... cohérent? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que je pense que quelque part, quand on est médecin... Il peut y avoir, oui, tout à fait. Il peut y avoir, ne serait-ce que par l'étude de l'anatomie, une attirance sur tout ce qui est esthétique d'abord, et puis en plus de ça, la représentation du corps. Cohérence artistique. Tout à fait. Donc que ce soit dans une représentation corporelle qui ouvre des fois la voie sur des domaines plus vastes. Nombreux sont les médecins qui ont en parallèle, alors c'est rare une dimension professionnelle comme la mienne, pourquoi ? Parce que moi j'ai carrément arrêté la médecine, complètement, il y a maintenant, ça va faire 10 ans presque. Hein. Donc ça, entièrement. Pour me consacrer entièrement, parce qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, on peut difficilement gérer une carrière internationale en ayant éventuellement un planning sur lequel on doit être en salle d'op le matin. C'est des métiers qui demandent véritablement un total investissement. Et j'ai fait le choix risqué, c'est vrai, risqué, parce que c'est pas la même sécurité, mais ça vient pas de moi, mais je sais qu'il y a un grand peintre allemand qui est plasticien allemand qui disait justement que l'art c'est aussi savoir se mettre en danger. Et ça, voilà. Je pense que quelque part, c'est une phrase dans laquelle je me reconnais. Oui, c'est la vie aussi. On se lève à chaque matin pour essayer de se rendre jusqu'à à la fin de soirée. Donc, c'est quand même pas aussi évident. Tout à fait. La vie est fragile. Elle est fragile, bien sûr qu'elle est fragile. Mais c'est vrai que de ce côté-là, ça me paraît d'autant plus excitant de me dire que j'ai pas fait ça en ayant... comment dire ? Un cursus complètement classique, voilà. Alors cette parole, j'adore cette phrase que tu viens de prononcer, mais elle est typiquement anglo-saxonne dans sa façon de voir les choses. C'est vrai que des profils comme les miens en France, c'est pas toujours bien accepté. Alors qu'au contraire, que ce soit en Angleterre, sur le Canada, sur les États-Unis, au contraire, plus on a de cordes à son arc, plus la mélodie est belle. Donc c'est vrai que c'est même avoir des possibilités de connecter des univers différents qu'on n'a pas forcément quand on est simplement imbibé d'une seule chose et qu'on est monolithique dans sa façon de voir. Donc, non, incontestablement, je regrette pas mon parcours, déjà. Je suis consciente que c'est une force, comme tu viens de le dire. Maintenant, c'est vrai que la vie d'artiste, voilà, j'en assume pleinement les conséquences, dans les bons côtés, parce qu'il y en a beaucoup, dans des côtés un petit peu plus fragiles en ce moment, parce qu'effectivement, tout du moins en France, le marché de l'art est fortement touché par la crise. Mais en état mondial, donc ça... Oui, mais alors peut-être plus en France. Non, mais toi, il y a une visibilité mondiale, tout à c'est fait. Peut-être un peu moins... Exactement, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis moins touchée que les autres. J'en ai totalement conscience, totalement. C'était même pas dans un choix de diversification, quoique ce choix-là, économiquement, aurait été judicieux. C'était, je pense, aussi... pour une envie de découvrir, de connaître. C'est vrai qu'au Japon, par exemple, là où j'expose en ce moment, le marché est totalement différent, les règles sont totalement différentes, les galeries fonctionnent de façon différente. Ouais. Et l'avantage, c'est que nous, en tant que Français, on a quand même une carte culturelle à jouer véritablement intéressante, parce que c'est vrai que cette tradition des beaux-arts à la française, d'autant plus que, si tu veux, par rapport à ma ligne... à ma ligne artistique, j'ai véritablement une caractéristique de travailler avec des techniques d'artisanat d'art pour faire de l'art contemporain. Forcément que c'est quelque chose qui parle à la culture nippone. Ils ont à ce niveau-là aussi des techniques ancestrales qui sont de très haut niveau, que ce soit dans la porcelaine, mais dans tous les domaines. C'est vrai que cette notion de raffinement est vraiment à mettre en parallèle avec ce qu'ils peuvent trouver en France et d'une façon générale aussi cet intérêt qu'ils ont pour l'industrie du luxe française. Donc c'est vrai que je pense qu'ils ont incontestablement trouvé dans mes caractéristiques d'artiste quelque chose qui leur parlait. En plus de ça, c'est vrai que pour payer mes études à l'époque, il y a de ça fort longtemps, moi j'ai été styliste pour des grandes maisons de couture, que ce soit Lanvin, Nina Ricci, Jean-Claude J3. Donc c'est vrai qu'il y a véritablement une ligne artistique qui à ce niveau-là au Japon est intéressante et sur lequel il y a véritablement des échanges intéressants. Est-ce que tu as des échos de ce qui se passe en Asie pour toi actuellement? Alors, je m'intéresse au marché asiatique, évidemment, notamment la Chine. Non, mais ton exposition, as-tu des... Ah, bien sûr, j'ai mon agent qui est là-bas. Et puis? Et ça marche très fort. Voilà, je suis très contente. Et l'année prochaine... Alors, c'est une exposition, c'est pas une exposition-vente. Okay. Hein, c'est comme ce qui s'est passé l'année dernière au MoMAT pendant 3 semaines. C'est-à-dire que c'est l'occasion... C'est l'occasion de présenter mon travail, voilà, mais il n'y a pas de dimension de vente. J'ai été approchée par une galerie qui est une très grande galerie de Kyoto. Les choses vont se mettre doucement en place. Voilà. Mais pour l'instant, c'est véritablement faire découvrir mon travail, voir quel est l'impact, mesurer l'impact qu'il peut y avoir sur le marché nippon, et avoir aussi le plaisir, voilà, de rencontrer, d'échanger. Et c'est cet échange humain qui va faire qu'ensuite, ça va pouvoir déboucher sur une dimension de vente commerciale et je l'espère sur long terme, voilà. Au même titre que cette envie que j'ai désormais. J'ai vendu sur New York, là je suis en contact sur Los Angeles et sur Montréal, et c'est vrai que cette ouverture, j'allais dire, du marché américain est quelque chose qui me plaît beaucoup dans l'idée. Est-ce que tu fonctionnes aussi par commande? Est-ce qu'il y a des gens qui te... Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai eu des commandes, notamment du roi du Maroc, pour une exposition qui était dans un premier temps au Maroc, qui est le salon du cheval d'El Jadida. Une photo de la scène préférée, de la salle d'équitation préférée de son père m'avait été confiée, et je devais réaliser en fait un tableau, donc deux commandes, sur une représentation de cheval arabe avec cette fameuse selle qui était travaillée sur du volume, hein, et travaillée aussi à la feuille d'or puisqu'elle était couverte d'or. Donc c'était un travail de commande que j'ai trouvé très intéressant, parce qu'il fallait véritablement trouver un pont culturel entre d'un côté l'Europe et de l'autre côté le Maroc. Et c'est pour ça que je l'ai traité sous la forme d'Azuleros, qui est donc historiquement ce courant artistique qui s'est développé au contact du royaume du Maroc à l'époque. Et ce tableau a tellement été apprécié par le roi du Maroc qu'il a souhaité que cette exposition, qu'une exposition plus générale avec ce tableau, soit reprise sur Paris à l'occasion de la fête de ses 10 ans de règne par le gouvernement français. Donc j'ai été exposée dans un musée français très connu qui s'appelle l'Institut du Monde Arabe, oui, pendant 2 mois, voilà, avec véritablement une commande de tableaux représentant le Maroc et ses couleurs. Donc ça a été véritablement d'abord une très belle exposition, et je remercie d'ailleurs Philippe Ploquin qui m'a permis d'exposer dans un lieu aussi agréable et aussi prestigieux. Et c'est vrai que c'était une occasion de faire véritablement un travail de commande particulier sur un domaine où, en fait, dans un domaine où j'avais pas véritablement, j'allais dire, de compétences, hein, puisque je connaissais un peu le Maroc, mais simplement comme touriste. Donc c'était l'occasion de me documenter, d'aller plus loin. Et j'ai trouvé le challenge vraiment intéressant. Donc le travail de commande, contrairement à certaines personnes, moi je considère que le travail de commande, ça nous permet des fois d'aller là où on n'irait pas de façon instinctive. Et de chercher aussi, de chercher. Voilà. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Flirt avec toi, je serai prêt à tout pour un simple rendez-vous. Pour un flirt avec toi, pour un petit tour, un petit jour entre tes bras. Cheveux, ton âme gris. jambe belle, le poil de tes aisselles, ton pied à cinq chandelles, te v'là. Mon grand buisson ardent, ton sein plein d'Abraham, te v'là. Et toute souris dans ton dîner, tes tâtons cornets à deux boules, ton péteux stéréo, puis tes fesses en peau de castor. Wow, wow, va toute cire, te v'là tel que t'es, tel que t'es, tel que t'es, tel que t'es, mon Dolores. Ton swing de boule de poule, tes ongles éclisses de feu, le mauve de tes babounes, te v'là. Alors c'est vrai que la contrepartie, c'est qu'on entend souvent « oui, mais le travail de commande, c'est pas véritablement artistique ». Oui, mais enfin, Léonard de Vinci, c'était du travail de commande aussi. Bon. Non, mais c'est, en fait, c'est la pression de l'artiste. Là. Oui, d'abord, parce toujours, qu'on dit que bien le sûr. Créateur est toujours… C'est vu par son œil. Oui, c'est ça. C'est vu par son œil de toute façon. Et puis moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et de toute façon, j'ai eu d'autres travails de commande voilà, par des grands mécènes, que ce soit français ou européens. Et moi, j'aime ce travail de commande. Ça fait, voilà, ça fait partie de mon métier, comme faisant partie d'un tout. Et une fois de plus, ça me permet d'aller au niveau artistique dans des domaines où je ne serais pas forcément allée de moi-même. Et faire des rencontres aussi, toujours la même histoire. Hein. C'est toujours bien faire des rencontres. Parce qu'après ça, ça peut décrocher sur autre chose. Bien sûr, tout à fait. Et dans des domaines où on ne se serait jamais attendu, en plus. Des choses totalement... C'est les surprises de la vie et j'adore ça. Ce qui est bien de la création, c'est qu'on est prêt à tout, puis tout peut arriver. Donc, c'est trois points de suspension. Le meilleur comme le pire. Oui, ah oui, oui, effectivement, mais il faut être prêt. Exactement. Il faut être ouvert. Prêt. Exactement. Mais c'est ça qui est plaisant. C'est ça qui est excitant dans ce métier-là. Mais c'est de se dire, oui, je l'ai pris. Tu fais aussi des bijoux, tu fais des... Alors, j'ai fait. J'ai fait un Est-ce moment. Que actuellement, ce que tu portes, c'est ta création? Alors, non, ça, non. Okay. Mais j'ai eu... C'était une période de ma vie... Que les artistes portaient leur création, je sais pas. Oui, mais pas que. Okay. On peut aussi... C'est comme son travail d'artiste en tant que peintre et plasticienne. Je peux aussi aimer, là, récemment, j'ai découvert quelqu'un, Olivier Vincent, qui fait du travail de lac, en fait. J'ai entendu sur France Culture, il y a dit ça deux mois. Voilà, bon, ouais. Moi j'aime beaucoup son travail, et c'est vrai que d'avoir des tableaux de moi chez moi, oui, mais bon, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, d'avoir la possibilité d'avoir le travail des autres. Mais en fait, quelque part, porter des bijoux des autres, c'est un peu le même principe, hein. C'est-à-dire que je suis pas du tout une artiste monomaniaque, hyper égocentré. J'ai peut-être un profil à ce niveau-là, c'est vrai, complètement atypique. Au même titre que je sais que dans le travail, j'aime bien m'entourer d'autres artistes avec lesquels, effectivement, j'ai des valeurs en commun, dont j'aime bien le travail artistique et sur lequel on a plaisir à exposer ensemble, on a plaisir à même éventuellement se donner un petit coup de pouce à l'occasion, ce qui est totalement pas classique comme attitude en France. Hein. Non, parce que l'artiste, il veut protéger son œuvre. Pour... Voilà, mais je crois pas du tout que ça protège l'œuvre, hein, de faire ça. Une fois de plus, je pense que, un, on est plus fort à plusieurs, et puis il y a le plaisir, de l'échange. Donc, moi, quand on m'achète un tableau, c'est parce que la personne a aimé ce tableau-là. Et si elle préfère le tableau d'une de mes amies ou la photo d'une de mes amies, parce que je travaille aussi avec beaucoup de photographes, mais c'est simplement parce qu'il y a eu un coup de cœur. Et un coup de cœur, c'est une alchimie particulière entre la personne et ce qui a été produit, que ce soit une photo, un tableau, une sculpture. Donc, il n'y a pas de compétition, en fait. Il n'y a pas de compétition. Je ne crois pas du tout à cette notion de compétition dans l'art. Mais pour revenir avec les bijoux, tu en faisais il y a quelques années. Oui, tout à fait. Et pourquoi tu as cessé de... Parce que c'était des choses qui étaient... D'abord, c'est des choses que j'ai fait quand j'étais étudiante en médecine. Donc, c'est vrai qu'à partir du moment où moi, je suis rentrée véritablement dans le monde professionnel... J'avais plus le temps, voilà, de tout faire. Et ça te plaisait moins, ce côté-là ? Non, ça me plaisait. Ça me plaisait. Le seul truc, c'est qu'il faudrait avoir sans doute 28 heures sur une journée de 24, voire même 36. On peut pas faire, exactement. Ouais, et quand choisir. On veut bien le faire, ouais, quelque part, il y a des fois des choix à faire, même si c'est douloureux, voilà. Mais c'est vrai que c'était. Moi, j'ai gardé de cette expérience quelque chose d'extrêmement positif. Extrêmement positif. En plus, ça, c'était vraiment l'explosion dans les années 80-85 de l'industrie du luxe en France. Donc, toutes les grandes marques avaient véritablement une politique extrêmement dynamique et un investissement sur tout ce qui était la production d'accessoires de luxe haut de gamme. Donc ça permettait pour des gens comme moi, stylistes, de véritablement faire du travail de recherche, de choses pointues, travailler des belles matières, apprendre à les travailler, connaître, maîtriser, tout ce qui est technique d'artisanat d'art. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, voilà, en gros, il y a 30 ans, et qui a été une ligne conductrice de ce que je fais encore actuellement, c'est-à-dire je travaille mes pigments... j'écrase de la poudre de lapis-lazuli pour approfondir mes bleus. Mes enduits souvent sont à l'ancienne. Je travaille les feuilles d'or pour effectivement avoir véritablement des reflets qui permettent, selon l'angle sur lequel on aborde un tableau, d'avoir un tableau différent et de créer une véritable interaction entre le tableau, la personne qui regarde et la lumière. Et que ce soit en lumière électrique ou que ce soit en lumière naturelle, on aura un tableau différent. Alors, tu crées presque ta couleur. Ben, tu crées ta couleur. Oui, tout à fait. Mais je trouve que c'est plus... Alors, personnel. Ça... Hein. Voilà. Et puis, en plus, ça, au niveau de... du rendu, ça donne des couleurs qui sont incontestablement différentes. Ce qui peut être produit au niveau de l'industrie apporte pas la même diversité, et que ce soit en acrylique ou que ce soit en huile, avoir des fois la possibilité, voilà, d'enrichir ses teintes, de faire un travail de recherche à ce niveau-là, c'est remarqué. C'est-à-dire que souvent, quand ça touche évidemment un public un peu plus averti, hein, c'est-à-dire que je pense que quand c'est un collectionneur qu'il a déjà beaucoup de choses dans sa collection, tu dois l'impressionner. Alors, l'impressionner, je ne sais pas, mais de toute façon, je l'intéresse. Tu dois te démarquer, voilà, de ce qu'il exactement, a déjà. Exactement. Donc, en ayant ta propre couleur, tu, voilà, tu te présentes autrement. Que mais c'est un plaisir. Au début, il n'y a pas... Si tu veux, l'approche n'est pas commerciale. C'est-à-dire que je n'ai pas ciblé ça en me disant « Tiens, c'est une façon de me démarquer. » C'est parce que ça m'intéressait. Et puis, effectivement, je me suis dit que c'est vrai qu'au niveau du rendu, ça fait quelque chose de différent. Et du coup, j'ai eu des retours parce qu'au début... Cette façon de faire des beaux-arts, c'était pas du tout... Il n'y avait pas une idée préconçue de devenir peintre, de faire une carrière internationale. Comment dirais-je, mes ambitions étaient quand même beaucoup plus modestes. C'était d'abord me faire plaisir. Mais par contre, me faire plaisir en étant le plus professionnel possible et d'être dans la maîtrise. Ça, c'était quelque chose qui m'intéressait. Et avoir cette idée... d'utiliser des techniques d'artisanat d'art que j'avais vraiment découvertes à l'âge de 20 ans, de pouvoir les réutiliser et d'en faire de l'art contemporain, ça c'est quelque chose, cette idée-là elle me chevillait et c'était vraiment important pour moi. Donc qu'il y ait eu un retour extrêmement positif, une curiosité, des mécènes importants qui soient intéressés à mon travail et qui m'aient soutenu, que ce soit en France, mais aussi à l'étranger, incontestablement, voilà, c'était plaisant, mais j'allais presque dire c'était la cerise sur le gâteau, hein. C'était pas véritablement quelque chose qui était programmé auparavant, mais comme on disait tout à l'heure, après c'est véritablement posé la question du choix, c'est-à-dire qu'une fois de plus, je pouvais difficilement prétendre à faire du musée, d'être exposé en fondation, dans des grandes galeries. Et continuer, même ne serait-ce qu'à mi-temps, mon activité professionnelle. Donc il y a eu 2 ans sur lesquels j'ai essayé de jongler entre les deux, pour voir déjà si économiquement c'était viable. Hein. Ça aussi, ça faisait c'est vraiment... Voilà, c'est... Et puis en fait, ça démarrait très très fort. Voir aussi la réaction des gens. Tout à fait. C'est-à-dire tester, parce que produire pour son plaisir, c'est une chose, mais je le faisais déjà depuis l'âge de 7 ans. Donc quelque part, ça, c'était pas une nouveauté. Mais... Merci, c'est bon. Merci, voilà. Attendez. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Je vais peut-être prendre un coca, là. Ouais. Voilà. Mon grand-père était violoniste, alors... Ah, c'est bien. Voilà. Mais je crois qu'il comprend pas le français. Pardon? Je crois qu'il ne comprenait pas le français. Un peu. En fait, ouais. Tu sais, souvent, les Roumains, en fait, c'est une langue latine qui ressemble... C'est la langue qui ressemble le plus au français. Voilà. Donc, ils ont quand même des bases qui leur permettent de largement se débrouiller. Oui, tout à fait. Et c'était ton grand-père qui en jouait de l'accordéon? Alors, l'accordéon, non. J'ai un grand-père qui était violoniste. Voilà. Professionnel? Oui, et à très haut niveau, en plus. Oui, tout à fait. Alors, tu as une famille artistique, donc... Alors, une famille... d'artistes et de scientifiques, oui, tout à fait. Mais je pense que cette notion artistique était liée sans doute, comme on a dit tout à l'heure, au lieu. Hein. On est à Montmartre et ça fait véritablement partie de la culture ici. Et puis je crois aussi, comme souvent, le dessin, c'est véritablement quelque chose qui vient à l'enfant de façon spontanée. Et, ah oui, ben oui. Et moi, c'était vraiment un plaisir, comme certains autres. C'est-à-dire qu'il y en a pour lesquels, oui, c'est juste un plaisir, et il y en a pour lesquels c'est un grand plaisir. Alors, on va dire que pour moi, c'était un grand plaisir. Voilà. Donc, des dessins au début qui n'avaient pas grand-chose, sans doute, à voir avec l'art contemporain, parce qu'il y a toute cette culture de l'art contemporain aussi qu'il faut savoir... apprécier, découvrir. Et puis ça vient aussi par la découverte du travail des autres, la fréquentation des musées. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé dans le rose. Que de parler d'amour, encore je n'ose. Où sont mes amis qui seront fidèles, et ces pays pleins d'odeurs de cannelle. Et toi, mon bel amour, ma tristesse nouvelle, as-tu un cœur de fer sous ton corsage de velours? Y a-t-il quelque part un ruisseau d'eau pure? N'existe-t-il pas cet amour qui dure? Le bonheur est-il bref comme un orage en ciel d'été? Celui qui sait tout ça est homme plus heureux que moi. Le bonheur est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé dans le rose. Que de parler d'amour, encore je n'ose. Brûlants sont les mots sortis de tes lèvres, l'eau de tes baisers m'a donné la fièvre. Si elle autre que moi dort dans ta chevelure, mes doigts seront serpents, couteaux seront mes dents. Et quand tu t'endors, ingénue divine, la bouche meurtrie contre ma poitrine, ne faut-il pas partir avant d'encore une fois mourir? Celui qui sait tout ça est homme plus heureux que moi. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé dans le rose. Que de parler d'amour, encore je n'ose. À vous tout seul. L'homme qui devait tant te plaire, qui aurait dû assouvir toutes tes prières. J'ai même appris à te mentir, à te voir sous une autre lumière. Tu voyais mon avenir un peu plus terre à terre, mais je suis tombé dans les orties, j'ai dévalé dans les fougères. En voulant te faire plaisir, en sortant de l'ordinaire, j'ai côtoyé le pire. J'ai fait les nécessaires pour un jour te faire sourire, ou tout du moins, je l'espère. Oh ma, oh ma, oh secret et tellement de souvenirs que s'il fallait tout refaire, je prendrais un grand plaisir à tout reprendre. À l'envers, je n'ai pas envie d'en finir. Il faudra un jour t'y faire. Je n'ai jamais osé te le dire. Je n'ai jamais cherché qu'à te plaire. J'espère encore maman, tant que je respire. J'espère encore maman, tant que je respire. J'espère encore maman, tant que je respire. J'espère encore maman. C'est rien de l'avenir, je ne contrôle plus mes arrières. J'ai succombé à des plaisirs qui devraient un jour te déplaire. Plaisir à aller dans les musées, à t'interroger, à faire des recherches. Alors, au tout début, quand on est enfant, soyons bien bien clairs. Oui, oui, je oui. pense que cette dimension de plaisir dans les musées, elle était à géométrie variable. Okay, hein? Oui, oui, c'est ça. Pudiquement, ça dépend, voilà, oui. pudiquement, on va dire ça comme ça. Y avait incontestablement un côté plaisir dans certains musées et dans certains autres. C'était plus... J'avais une maman qui était, comment dirais-je, très musée. Voilà. Okay. Qui, et c'est une chance. Bonjour. Bonjour, je parle à Coca Light. Oui. Donc ça a été véritablement aussi grâce à elle que cette culture a pu se mettre en place si tôt, certainement. Mais ça ne s'est pas toujours fait dans le bonheur. Donc, vous étiez habitué d'aller visiter des musées. Oui, il y avait ce côté-là. Et puis, ça, c'est vrai que moi, en tant que maman, ça m'a paru important d'offrir à mes enfants quelque chose d'autre. C'est-à-dire, pas découvrir les salles en restant un quart d'heure devant chaque œuvre. Non. Pour moi, ce qui était important de leur faire comprendre, c'était la dimension de plaisir. C'est-à-dire que s'il y avait des choses qui l'intéressaient, elle pouvait s'arrêter devant, elle pouvait poser des questions. C'est-à-dire qu'il devait véritablement y avoir une interaction entre elle et le... Je considère que la dimension du plaisir dans l'art est fondamentale, fondamentale. Et c'est comme ça que vient ensuite ce besoin d'en savoir plus. L'intérêt. Voilà. Le côté rébarbatif qu'il peut y avoir, très académique, d'effectivement avoir des fois des parents qui sont très directifs sur la culture, je ne suis pas sûre que ça sert beaucoup la culture. Ce n'est pas le meilleur moyen pour moi... Mais je pense que je suis quelqu'un d'hédoniste dans la vie. Oui, donc, okay. Donc forcément, je pense qu'il y a toujours une autre façon d'enseigner les choses. Et à partir du moment où on sait capter chez l'enfant certaines choses qui lui plaisent, après on peut lui apporter le reste. Mais il faut que ce premier contact se fasse et savoir aussi respecter les goûts et les envies. Ça, je reste fondamentalement persuadée que c'est plus efficace. Est-ce que tes enfants se dirigent vers la création ou au contraire Alors, ils ont d'autres affinités d'autres... J'ai ma grande fille est très artiste et très sensible, et la seconde aussi. Ah, et elle fait de la peinture deux aussi. Oui, deux filles. J'aurais tendance à dire que en maman prévoyante Oh, poule, je sais pas, mais prévoyante. Okay. Non, poule, je pense pas. Okay. Ou le bon côté de la poule, mais pas les mauvais. Oh, okay. D'accord. Okay. On les coupe, mais pas trop. On voilà. les surveille de loin. Voilà, exactement. On les laisse On les laisse construire leur vie, mais on est le filet de sécurité si jamais ça va pas, quoi. C'est des adolescentes quand même assez âgées. Alors, il y en a une qui a 22, l'autre qui a 18. Okay. Donc, c'est déjà des majeurs. Et c'est vrai que par rapport à ça, ça me paraissait important qu'elles puissent avoir, comme moi finalement, une double formation. C'est-à-dire avoir une possibilité d'être attirée par l'art, c'est une chose. D'avoir une possibilité de sortie, si jamais ça ne fonctionne pas, ça me paraît être quelque chose d'important aussi. Un plan B. Voilà, un plan B, tout à fait. Même des fois, un plan C, c'est pas idiot dans la vie. On ne sait jamais. Oh oui, oui. Ben, la vie peut rapidement se modifier. Oui. Donc, si tu as d'autres avenues, c'est déjà moins déroutant. Tout à fait, tout à fait. Et c'est vraiment, comment dire, oui, cette capacité aussi à découvrir. Je crois que à cet âge-là, découvrir des univers différents, c'est une chance. On a de la chance. On a de la chance en France d'avoir des études si peu chères. À part les grandes écoles de commerce, mais même par rapport au prix pratiqué dans certains autres pays du monde, on a une formation, on va dire... accessible. Très accessible, plus qu'accessible. De moins bonne qualité que ce qu'elle a été, mais encore tout à fait valable. On est toujours dramatiquement handicapé sur notre incapacité à apprendre des langues étrangères et donc avoir un contact avec le monde. Ça, il faudrait que la France se réveille et je crois qu'elle a vraiment beaucoup de mal. C'est des choses, moi, quand j'étais petite, dont on parlait déjà. Et c'est des choses qui ne sont toujours pas mises en place. Non, mais c'est par le voyage, hein, on peut quand même partir. Bien on n'est pas obligé de se fier à l'école pour se former mais entièrement. Mais quand on voit dans certains pays, scandinaves, anglo-saxons, la facilité que ça apporte aux jeunes de passer un voyage différent où il va y avoir un véritable échange avec les gens. Aussi. Et une ouverture. Donc je me dis que, incontestablement, cette incapacité à pouvoir apporter véritablement... une connaissance sur au moins l'anglais et l'espagnol. Enfin, ça me paraît, voilà, c'est les deux langues sur lesquelles ça me paraît vraiment super important. Et pourquoi pas aujourd'hui le chinois, à partir du moment où on a véritablement une curiosité et une envie de découvrir ce monde qui est si différent du nôtre. Voilà. Alors, tu vas commencer à apprendre le chinois pour tes expositions. Alors, peut-être pas, mais... Avec un interprète, peut-être, c'est plus facile. J'ai déjà quelques contacts, voilà, j'ai déjà quelques contacts, parce que la grosse problématique du chinois, c'est que c'est plein de dialectes. Et en fonction du chinois que tu parles, en fait, on comprend tout à fait quelle est ta spécificité, quel est ton niveau culturel. Donc choisir un bon intervenant qui te représente des interventions sur une possibilité de développement par la suite. Se positionner aujourd'hui sur le marché chinois, évidemment, c'est important. C'est peut-être un petit peu tôt pour les artistes de culture anglo-saxonne et européenne, dans le sens où c'est surtout des artistes chinois qui sont diffusés ailleurs pour une question économique simple, c'est-à-dire que c'est tellement peu cher qu'il vaut mieux diffuser comme ça, et le galériste en général l'a rapidement compris. Mais le marché est en croissance, et au même titre que effectivement les voitures de luxe, le luxe d'une façon générale, le vin, tous ces secteurs-là sont en explosion totale au niveau économique sur ce marché. Je pense qu'il est judicieux de se placer sur le marché de l'art assez rapidement. Voilà, assez rapidement, et c'est dans ma dynamique, j'y travaille. Éventuellement, tu prépares quelque chose, comme tu disais, en début de rencontre à Montréal. Alors, pour l'instant... Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont déjà là-bas pour préparer ou, J'ai un contact pour l'instant, et c'est difficile, ça m'est difficile d'en parler, parce que rien n'est pour l'instant véritablement... Okay, voilà. Rien n'est signé et rien n'est véritablement mis en place de façon vraiment structurée. Maintenant, c'est vrai que cette envie est réelle et ça me donne l'occasion de faire passer le message. Non, je suis très très motivée et c'est pour moi, c'est non seulement la possibilité d'y exposer, d'y vendre, bien sûr, mais véritablement avoir cet échange. cet échange avec, avec ce pays sur lequel j'ai failli émigrer. Donc je pense qu'il y a, voilà, il y a une histoire d'amour qui pour l'instant n'a pas pu se vivre, mais sur lequel j'ai bien l'intention encore pendant quelques années de me dire que ce sera une belle histoire. Bah, les rêves ne seront jamais achevés. Non, heureusement. Ouais. Tant qu'on a la santé, je pense que c'est ça qui compte. Très important. Et c'est pour ça que je veille de façon efficace, voilà, sur ma capacité. Tant que je serai en mouvement, ça ira toujours. Voilà. Parce que dans cette idée de mouvement, il y a les rencontres, les découvertes, la curiosité, véritablement de découvrir autre chose. Je sais que pour cette histoire du Japon, là, c'était tellement incroyable de voir à quel point finalement tout était différent. L'organisation des galeries, comment ça fonctionne, c'est pas du tout comme chez nous ou sur le continent américain où en fait les œuvres sont en dépôt. Non, c'est des tarifs de location de la galerie et par contre ils prennent pratiquement rien sur les ventes. Voilà, c'est des règles du jeu qui sont différentes. Et puis il n'y a pas que ça, il y a véritablement le simple contact avec quelqu'un de japonais, mais c'est une aventure, quoi. C'est une sublime aventure. C'est là où on se dit qu'on est tous citoyens du monde et en même temps sur des schémas culturels qui sont très différents et sur lesquels on peut vraiment se rejoindre. Et c'est le cas dans l'art. C'est-à-dire que comme justement dans l'art, la parole est moins importante, hein, puisque ça passe beaucoup par le regard, finalement il y a des choses très intéressantes qui peuvent passer, et non seulement par un tableau, par quelque chose de mon travail de plasticienne, mais même, je dirais, d'une façon plus générale, les techniques qu'on utilise. Et c'est vrai que de ce côté-là, l'Asie est incontestablement une région du monde qui a toujours été dans l'excellence de la pratique de ces techniques. Que ce soit en Chine, que ce soit au Japon, c'est vraiment... Avant de s'appeler Bianca, mais les confitures de canneberge et les compotes d'Atoka sont synonymes dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, elle s'appelait Serge. Tu l'as dit, on l'a dit, et de midi à midi, elle s'appelait Serge. Métaphore.